Salut à toutes et à tous, voici le sixième podcast de Rétrovision avec une programmation entièrement musicale sous forme de Megamix où je répertorie les musiques qui ont servi de transition entre les tests durant les sept premières saisons. Vous trouverez la liste de lecture complète dans la description avec une indexation chronologique qui vous permet d'accéder directement à la musique souhaitée ainsi qu'un lien pour le téléchargement en MP3. Hit 'em with this. Is all right when your DJ plays the K. You will listen to what the kid has to say, 'cause you know it's too damn straight. Can't wait, gotta get on down before it's too late. And even if so, it would be my friend. Just tell him to play it again. See, once it starts to beat your eardrum, it goes way up to your head, bounces down to your belly and back. If you hunger, you be fed. It's all up to the individual. This reaction is typical. Somehow you get to catch up with that beat. Like weed, for real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo, DJ, spin that wheel. Spin that wheel. Spin that wheel. I'ma make you feel. Yo, DJ. Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, ever We will control all that you see and hear. Deuxième partie de ce podcast avec une sélection de musique un petit peu plus tranquille, dans le genre down tempo, car c'est aussi ça Rétrovision, l'âge d'or de la dance music dans une émission sur le jeu vidéo. Yes. You know Troisième partie de ce podcast 100% musical avec encore quelques titres qui m'ont servi pour les transitions entre chaque test vidéo. Les styles sont variés car cela va de l'acid house à la techno en passant par la new beat. Tous les tempos sont sur Retrovision. Body.

Voilà, c'est la fin de ce sixième podcast, assez inattendu, je dois l'avouer. Mais maintenant, plus d'excuses, vous connaissez maintenant la grande majorité des musiques qui ont servi pour l'émission. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !